Pour vos différents travaux en mécanique, l'équipe de Jean Lapierre Mécanique est la solution. Une équipe d'experts qui saura bien vous conseiller et ça à prix fort compétitif. De plus, nous faisons la réparation et la vente de remorques et nous sommes détaillants autorisés de la marque Gator. Jean Lapierre Mécanique, au 448 Principal à Saint-Prime, au 418-251-1394. Toute notre équipe est fière de commanditer la chronique du hockey mineur de Robertval avec Hugo Maltais et souhaite une bonne année à tous les joueurs. On va parler de hockey mineur de Robertval. On sait que la chronique est une commandite du de garage mécanique Jean Lapierre de Robertval. Salut Hugo! Hugo, évidemment, c'est le week-end de l'Action de grâce. Il se passe pas grand-chose, mais je pense que les ligues vont commencer tranquillement, mais sûrement. Là. Oui, c'est ça. Ben, on a nos ligues. Là, on va dire pour les plus vieux, en guillemets, là, dans les doublelettes comme dans le midget, puis les autres, là, elles ont déjà commencé depuis la semaine dernière. Ça, c'est la poursuite. Eux, dans leur cas, ben, c'est la poursuite, même si c'est l'Action de grâce. La majorité des gens sont en vacances, ben, dans le cas des dans le cas que ces deux ligues-là, eux vont continuer en fin de semaine leurs activités. Pour ce qui est des équipes Atome 2B, ben on sait que eux autres, l'Atome 2B va commencer seulement que la semaine prochaine, donc à partir du 14. Okay. Puis oui, 2B, la Ligue, en fin de semaine, la Ligue est en fonction également. Puis pour ce qui est du simple lettre, ben étant donné que c'est l'Action de grâce, puis nous autres, là, on est dans le simple lettre, on a un petit peu cette mentalité-là où est-ce que c'est compétitif, oui, un petit peu, mais c'est aussi participatif. On a, là, avec M. Michel Garneau, ben, on a statué cette année également encore une fois qu'on allait donner l'Action de grâce en vacances. Mmh. Il se peut qu'il y ait des équipes là, pour le plaisir qui jouent des parties hors concours ou qui fassent qui font des pratiques durant cette fin de semaine-là. Mais sinon, tout le monde va décoller là, à partir de la semaine prochaine. Là, toutes les catégories là, vont commencer là, pour de bon, autant simple lettre que double lettre. Donc notre envoi pour 2017-2018 va vraiment prendre son envol à partir de la semaine prochaine, là, du 14 octobre. OK. Déjà, là, y a-t-il des tournois? Vous devez commencer déjà à placer vos tournois, là, hein? Non, toutes les... honnêtement, là, avec la formation des équipes, là, comme en fin de semaine, là, c'est les dernières équipes, là. Mais toutes les équipes sont déjà formées, à part le novice. Fait que tous les tournois, les équipes sont déjà en mode trouver des tournois parce que ça se remplit quand même assez vite. Ben oui. Donc, oui, là, on court après les tournois, puis on sait comme dans le cas là, de l'Atome Piwi, puis dans le Bantam, ben les tournois de l'Boom Stassini, par exemple, sont en novembre. Donc, il faut se dépêcher d'inscrire nos équipes-là s'ils veulent aller à ce tournoi-là avant les fêtes. Puis même nous autres, je te dirais, regarde la ronde de l'Atome, là, on est à. Je pense que dans l'Atome, là, dans l'Atome A puis l'Atome B, on est déjà complet, puis on vient de former les équipes. Donc, oui, on est là-dedans, on est dans ces casse-têtes-là. Puis quand les novices vont le faire en début, fin octobre, début novembre, ben, il va rester cette catégorie-là. Mais sinon, il y a plein de tournois déjà qui sont complets, puis on se fait dire qu'il n'y a plus de place, puis il n'y a plus de place, puis regarde, les saisons vont commencer juste la semaine prochaine. Fait que oui, c'est déjà là. La saison n'est pas commencée, mais c'est la course au tournoi là, pour pouvoir s'inscrire dans les différents tournois de la région ou à l'extérieur. OK, donc déjà, ça s'en vient déjà. Autre chose à ajouter, Hugo, peut-être non, ajouter? Ben, c'est, y en, y... Non, ben sinon, ben regarde, à partir, comme tu viens d'en parler tantôt, nous, on débute déjà là, notre ronde du Sato. On est en casse-tête un peu, on attend les rénovations de l'aréna, voir si tout le monde va rentrer dans les temps parce que on a une partie du tournoi habituellement qui était à Mastoyage et à Robertval, mais si on n'a pas Robertval, ben c'est un casse-tête, mmh. À savoir, on le fait juste à Mastoyage, puis on diminue notre nombre d'équipes. Donc là, on est déjà là à travailler à ces scénarios-là. Là. Donc la semaine prochaine, on va se réunir, puis on va déjà débuter, là, même en début octobre, on va déjà débuter là, notre ronde de l'Isatome, qui est pourtant juste au mois de fin janvier, début février. Mais on est là dans nos planifications. C'est déjà incroyable, pareil. Ben, merci beaucoup, on s'en parle la semaine prochaine, Hugo. Hugo Martel, on rappelle que la chronique est une commandite du garage mécanique Jean Lapierre de Saint-Prime.